frappe chirurgicale sous anesthésie générale. Je viens un 6ème si qui pourrit les tripes à l'air. À tort et à travers, je fais dégueuler mon exalégiste. Pistolet, pistolet, mon bistouri bien aiguisé. Osez aussi aviser comme un chirurgien esthétique. Installe-toi sur la table opératoire, je me mets en pratique. Nouvelle plastique, je vais changer ton éthique. Comme on enlève un chaos de sang dans le lobe frontal. Opération faciale, parle au bretonnier cérébral. Pour changer tes idées, tu m'imposes un instrumental. Avec des valeurs hypocrites, critiques. Tu fais rire par respect, tu pratiques, que tic. Je fais sur ton lobe oculaire. Prends mon vocabulaire comme une opération laser. Faut que tes idées sont dans le flou total. Les positions sont ta démagogie. Pour changer ta pédagogie, réagis à ma chirurgie. Il est temps pour toi de changer de registre. Arrête de te prendre pour le maître étant moderne. Chirurgie réparatrice, je vais changer la matrice. C'est dans le flow que je maîtrise cette ligne directrice. Chirurgie réparatrice, je vais changer la matrice. C'est dans le flow que je maîtrise cette ligne directrice. Prends mon rap comme une rhinoplastie qui vient refaire des rimes pathétiques. Ton rap me donne le même effet qu'un épisode de Terry. Je vais lui faire un lifting artistique, mettre du collagène pour rendre de la crédibilité à ta rythmique. Trop d'imperfection dans ton attitude qui fait du hip hop une lassitude. Il faut que j'assiste pour que ta conscience s'aiguise. Je m'enlise dans les fins fonds de tes entrailles. Péritonique dans le bling bling, ton rap s'écaille. À force de vouloir briller en société, ça finit par s'affecter. La gangrène s'installe, vers falloir amputer. Baisse pas trop le calpute, tu vas choper les hémorroïdes. À force de devenir beaucoup trop cupide, reste lucide. Ici c'est ma chirurgie qui décide, tu es devenu trop stupide. Augmentation cérébrale, prends le mic pour ta coloscopie anale. Et ça, ça se fera sans aucune anesthésie générale. Chirurgie réparatrice, je vais changer la matrice. C'est dans le flow que je maîtrise cette ligne directrice. Chirurgie réparatrice, je vais changer la matrice. C'est dans le flow que je maîtrise cette ligne directrice. Chirurgie réparatrice, je vais changer la matrice. C'est dans le flow que je maîtrise cette ligne directrice. Chirurgie réparatrice, je vais changer la matrice. C'est dans le flow que je maîtrise cette ligne directrice. Yeah, P-H-E-M-X, hey, je suis ton chirurgien. N'oublie pas chirurgie réparatrice. Je vais changer la matrice. Second Style Crew, on est là.